L'autre jour, Sayado a parlé de la façon de se comporter dans la vie. C'est un voyage dans le samsara. Et lorsque nous nous comportons comme ça, cela rend le voyage plus doux. La chose la plus importante est la fondation de Kusala, ce qui est bénéfique. Nos comportements bons en termes d'action, de parole ou d'intention. En termes d'action positive, d'action pure qui mène à la purification, il y a trois chemins possibles. Le chemin du kama par les actions, le chemin par les jhanas ou la méditation d'absorption, ou le troisième chemin, le chemin de la sagesse, panya. Sila et Dana sont importantes pour la fondation de ces trois chemins-là. Le chemin par les jhanas, qui est l'absorption ou par la concentration, aide à renaître dans des plans supérieurs, le plan des Brahmas. Le chemin que les yogis pratiquent actuellement pendant cette retraite est le chemin de Panya, de la sagesse, avec le Satipatthana, pour développer la connaissance. En développant étape par étape, l'esprit observe l'esprit et la matière. Rupa et Nama. Nama, esprit, matière, Rupa, jusqu'à atteindre la purification. Maintenant, Sayado va parler de la façon dont on développe le chemin du Kama, en parlant du sila, la moralité. Sila est la restriction de nos comportements physiques et verbaux. C'est parce qu'il n'y a pas de restriction dans les comportements physiques du corps, les actions physiques et le verbe que les gens souffrent. Lorsque les gens se restreignent et se contiennent, aussi bien physiquement que verbalement, ils se comportent bien avec les autres, et c'est cette considération-là de leur part qui fait que nous voulons leur bien. En gardant les préceptes, cela nous mène aussi à avoir une attitude mentale, une intention positive, de souhaiter que les autres soient bien, soient heureux, de ne pas les voir souffrir. Et en maintenant ces préceptes, automatiquement, on a cette attitude. La base qui est de prendre les préceptes et de garder la moralité permet à la pratique de se mettre en place plus facilement et l'esprit devient souple et gentil. Lorsque les yogis arrivent au centre pour commencer une retraite, ils commencent par prendre les préceptes. Chaque jour, nous prenons donc les préceptes et nous efforçons de ne pas rompre les silas. Il y a 7 niveaux de pureté dans l'esprit, en pali c'est visuddhi, à commencer par le premier niveau de pureté, c'est sila, la moralité. Une personne qui souhaite atteindre le bonheur ultime ne peut pas l'obtenir sans observer les préceptes ou la moralité. Par exemple, lorsque vous voulez monter au 7e étage, vous ne pouvez pas arriver au 7e sans passer par le 1er. Donc pour arriver au 7e étage, vous devez commencer par le 1er étage. C'est sila visuddhi, la pureté de la moralité. Sila se rapporte seulement à la pureté du corps et à la pureté verbale. Il ne permet pas d'atteindre la pureté de l'esprit. Le premier précepte qui est de s'abstenir de tuer, le deuxième s'abstenir de prendre ce qui n'est pas à soi, de voler donc, le troisième précepte s'abstenir de conduite sexuelle inappropriée, ça concerne le corps, c'est kayakama, la pureté du corps, au niveau du corps. Le quatrième, qui est Musavada, c'est se restreindre verbalement. Lorsqu'on se restreint verbalement, il n'y a pas de transgression verbale, et dans ce cas, nos paroles sont fines. Musavada, donc le précepte de se restreindre par la parole, concerne les paroles qui divisent les personnes, les paroles qui sont avec de l'animosité, les paroles dures ou des jurons par exemple, ou les paroles frivoles qui ne servent pas. Dans les cinq préceptes, cela comprend déjà trois préceptes qui concernent le corps et sont inclus dans la parole quatre autres préceptes. Lorsqu'on est dans une retraite, nous prenons 9 ou 8 préceptes parce que c'est le mieux pour pratiquer Vipassana. Cela permet d'avoir le niveau le plus élevé de moralité pour la pratique de Vipassana. Pour la vie quotidienne et les gens ordinaires, prendre 5 préceptes garantit déjà une moralité pure. En tant que laïcs, nous devons au minimum respecter les 5 préceptes. Si nous pouvons respecter les 8 ou 9 préceptes dans la vie quotidienne, c'est bien. Mais si nous ne pouvons pas tous les respecter, ça ne constitue pas une faute pour autant. Au moins qu'on respecte les 5 préceptes. Donc si nous respectons les 5 préceptes, nous avons déjà cultivé la moralité physique et verbale. Lorsque nous prenons les 5 préceptes, nous avons une attitude plus fine, plus pure au niveau physique et verbal, mais nous n'avons pas encore purifié l'esprit. En ce moment, les yogis prennent les 8 ou 9 préceptes, qui est la base pour la pratique de Satipatthana, mais est-ce que l'esprit est calme? Pas toujours, pas encore. Sayado demande, est-ce que vous avez déjà l'esprit pur, même en prenant ces 8 ou 9 préceptes? Donc, en prenant Sila, cela nous aide à nous restreindre physiquement et verbalement, mais pour le développement de l'esprit, nous devons encore nous entraîner pour atteindre Samadhi, atteindre la concentration de l'esprit. Lorsque nous respectons les 5 préceptes, qui est le niveau minimum, si nous ne les respectons pas, là nous encourons des fautes. En revanche, si nous essayons de respecter les 9 ou 10 préceptes, si nous n'arrivons pas au-delà des 5, ce ne sont pas des fautes, mais si nous arrivons à respecter les 9-10 préceptes, nous obtiendrons beaucoup de bénéfices. Donc pour un bouddhiste, si un bouddhiste tue par exemple, il sera coupable puisqu'il prend les préceptes. Mais est-ce que ça veut dire que ceux des autres religions qui ne prennent pas ces préceptes-là ne sont pas fautifs? Rayado donc redemande, est-ce que ceux qui ont une autre religion, qui ne prennent pas les préceptes comme nous par exemple, est-ce qu'ils ne sont pas fautifs? Donc ce n'est pas une question de religion de prendre les 5 préceptes. N'importe qui en tant qu'être humain devrait les respecter. En les respectant, nous obtenons des bons résultats. En ne les respectant pas, nous avons des mauvais résultats. La seule chose, l'avantage des animaux est qu'ils ne boivent pas d'alcool. Donc, le 5e précepte, ils n'ont pas besoin de le respecter. Ces 5 préceptes, en fait, ça concerne tous les êtres vivants, que ce soit des humains ou des animaux, excepté qu'ils ne boivent pas forcément d'alcool ou de drogue. Prendre Sila va de pair avec Metta et Karuna. Et quelqu'un qui a de la considération et de la compassion envers les autres, ce sera naturel pour eux de respecter ces préceptes. Donc ces 5 ou 8 ou 10 préceptes, le Bouddha les connaissait et il les a enseignés. Mais c'est aussi valable dans d'autres religions également. Les gens peuvent penser qu'il s'agit des préceptes bouddhistes, mais non, en fait, il s'agit de préceptes des humains. Si vous voulez avoir des bons résultats, faites des bonnes choses. Ne venez pas me demander de vous sauver. Est-ce que les 5 préceptes sont inclus dans la Bible? Et est-ce que c'est aussi dans la Bible ou dans le Bhagavad Gita? Tous les textes de toutes les religions ont comme base la moralité. Donc, lorsque vous voulez construire un grand bâtiment, on doit avoir une bonne fondation, une bonne base. Sinon, nous ne pouvons pas construire ce grand bâtiment-là. Donc, si nous voulons atteindre le bonheur suprême, le bonheur excellent et la paix de Nibbana, nous devons déjà avoir la pureté de la moralité de Sila. Donc, le minimum pour Sila Visuddhi, c'est de respecter les 5 préceptes, le premier étant de ne pas tuer les êtres vivants. Quand on dit se restreindre de tuer, cela ne concerne pas seulement les humains, cela concerne tous les êtres vivants, qu'ils soient petits ou grands, que ce soit une fourmi, que ce soit un moustique, tous les êtres vivants. Aucun ne veut mourir. Donc tous les jours, nous prenons le premier précepte, Panadipata. Si nous ne le rompons pas, c'est bien. Mais si nous tuons un insecte ou tout ce qui est vivant, nous le rompons. Les 5 préceptes, nous pouvons très bien les prendre, les respecter sans les réciter formellement. Mais la façon dont nous les prenons ici, de façon formelle, c'est plus comme une résolution que nous prenons chaque jour. Donc les 5 préceptes, que nous les prenions formellement ou non formellement, lorsque nous les transgressons, lorsque nous les rompons, cela va amener des résultats négatifs dans notre voyage dans le samsara. Une personne qui tue un autre être vivant en lui raccourcissant la vie aura lui-même une vie plus courte à un moment dans le samsara. Les gens qui meurent et que nous entendons dans les nouvelles, lorsqu'ils meurent jeunes, c'est la résultante de leur karma passé. Que une vie courte peut être causée par plusieurs raisons, que ce soit au niveau de la santé ou d'autres actions qui a fait que la vie était plus courte, mais quoi qu'il en soit, c'est la résultante de karma passé. Cela vient du fait d'avoir tué dans d'autres vies, dans le passé, que soit parce que la personne a tué d'autres êtres, soit en se tuant lui-même dans d'autres vies. Une des conséquences de ne pas respecter le précepte de ne pas tuer est une mauvaise santé ou le fait d'avoir fait du mal à d'autres ou d'avoir tué à d'autres êtres vivants peut produire également des handicaps physiques ou une santé plus vacillante. Le deuxième précepte, Adinadana, qui est prendre des choses qui ne sont pas à soi ou voler. Prendre ce qui n'est pas à soi, c'est aussi voler. Prendre les choses de quelqu'un d'autre réduit notre richesse, c'est-à-dire qu'on a plus de difficultés à garder ce qui est à nous. Ou alors, si on le prend, on ne le garde pas longtemps. Donc, prendre ou voler ou prendre des choses d'autres personnes a comme résultante que même si nous obtenons quelque chose, ce n'est pas facile de le garder pour longtemps, ou c'est difficile d'avoir de l'argent, ou quand on le perd facilement ou qu'on ne peut pas le garder pour longtemps, ça peut être dû à des voleurs ou le feu ou les inondations où on peut être soi-même volé. Donc lorsqu'on voit une personne qui est dans une situation mauvaise, cela peut être dû au fait qu'elle est rompue Sila dans le passé. Quelle que soit la moralité qui ait été rompue, cela va donner des résultats en conséquence dans le samsara. La nature des préceptes qui ont été rompus va entraîner de la souffrance. Plus nous voulons des résultats positifs, plus nous devons faire des choses positives. Plus nous rompons des préceptes ou la moralité, plus nous obtenons des résultats négatifs. Les 5 préceptes sont aussi des crimes, en fait, de tuer, voler, avoir des conduites sexuelles inappropriées ou avoir des paroles dures ou qui divisent ou prendre de la drogue constituent des crimes si nous rompons ce type de préceptes. En revanche, lorsque nous avons de la bonne volonté ou nous faisons Kusala, accompagné de la compassion, Sayado espère qu'en respectant Sila et la restriction physique et verbale, puissiez-vous développer la force de l'esprit pour atteindre la concentration et atteindre la paix.